meilleure banane, c'est la banane antillaise. Plus précisément la mienne. Plus précisément la tienne. Car elle est au top des tops de la banane. De la banane. Elle est fin bébé, bébé, bébé. Elle est fin bébé. On a presque terminé ce dîner bien arrosé et complètement affalé. Sur ta chaise traumatisée. Le dessert tu as choisi. Attends, moi je vais faire pipi. Il est déjà minuit. Et dehors la lune sourit. Voilà ma banane flambée. Banane valorisée par des doigts de fée. La banane de Funky, c'est vraiment exquis. La banane antillaise, c'est vraiment balèze. Ce soir tu me suspectes, on va faire la fête. On est en tête à tête, défait ma braguette. Plein feu sur mes fantasmes, j'organiserai dans l'orgasme. Pilou fest à fest, festival de fest. Festival de fest. Quand je te susurre quelques mots doux à l'oreille, il faut toujours qu'il y ait une petite astuce pour faire un lapsus. Assez phallus que tu le suces. Recto verso ma puce. Viva la douce. Pour te mettre au pas. Pour te mettre au pas. Pour te mettre au pas.